Hello tout le monde, bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 28 avril 2025. J'espère que vous vous portez bien et que le week-end a été plutôt clément envers vous et vous a apporté du repos, ça sert à ça, et aussi de jolis moments en tous les cas avec vos proches. Démarrons tout de suite par l'horoscope de la semaine pour voir ce que les astres vous réservent. Eh bien, ami Bélier, on vous remarque grâce à votre dynamisme. Sur le plan intellectuel, votre perspicacité se démarque. Cultivez cette vitalité, oui, en prenant le temps de vous ressourcer également. Côté relations, ce week-end, selon Vénus et Neptune, vos amours sont passionnés. Week-end prometteur, ne mettez toutefois pas le pied de travers. Taureau, alors un très joyeux anniversaire si vous le célébrez cette semaine. Nous espérons que les festivités seront belles ou en tous les cas douces auprès des gens que vous chérissez. Côté activité, bien l'influence de Mars entrave votre progression, chers amis taureaux, limitant ainsi la rapidité et la qualité de votre évolution. Courage, c'est juste un petit moment de ralenti. Côté relation, vous démarrez le mois de mai en grand amoureux. Laissez-vous embarquer par les sentiments. Cupidon, veut nous faire monter très haut, près des étoiles, pour rêver. Alors rêvons ensemble, amis taureaux. Gémeaux, l'énergie de Mars vous pousse à avancer. Restez concentrés et osez prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs. Des risques calculés, surtout. Côté relations, Jupiter, Vénus et même Neptune vous proposent tous les possibles en matière de désir et de plaisir. Alors, deviendrez-vous romantique ou dragueur? À vous de choisir, mais on fait quand même attention aux autres personnes, surtout. Cancer, vous ne vous endormez pas sur vos lauriers et vos actions portent leurs fruits. Restez proactif et continuez à apprendre. Côté relation, la conjonction qui arrive Vénus-Neptune est à double tranchant. Je m'explique. Au positif, des sentiments puissants peuvent vous ravir, mais au négatif, méfiez-vous des tentations. Attention au chant des sirènes. Lion, Mars et Jupiter vous incitent à être attentif aux opportunités. Restez ouvert aux nouvelles expériences et saisissez les chances qui se présentent à vous. Côté relation, cette semaine pourrait être le début d'une transformation de votre statut sentimental si vous êtes seul. Waouh ! Voilà, notez-le bien, c'est peut-être pour cette semaine, alors surtout, ouvrez l'œil en grand. Vierge, vous ne manquez pas de volonté, continuez à persévérer parce que chaque effort compte et n'oubliez pas non plus de vous reposer quand vous le pouvez. Côté relation, vous démarrez sur les chapeaux de roue en mai, alors Cupidon en perd son arc, oui, vous voulez haut, frôlant les étoiles, laissez votre libido s'exprimer. Balance, Mars vous propulse, mais Saturne et Neptune vous imposent de bien définir vos objectifs, ça aide, oui. Dessinez donc des plans précis afin de ne pas vous perdre en chemin. Côté relation, aimez, mais ne laissez pas les illusions faire partie du tableau de vos relations sentimentales, et cela selon Vénus et Neptune. Scorpion maintenant. Mars vous impose de batailler durement. Défendez donc votre carrière face à la concurrence, oui, ou face par exemple à des clients récalcitrants. Côté relation, dès jeudi, votre quotidien est chamboulé par une vague de sentiments. Vos émotions prennent le dessus. N'oubliez pas tout de même où vous habitez. On essaie de garder un petit peu la tête sur les épaules, chers amis. Sagittaire, mes petits amis Sagittaire. Alors, même si votre carrière piétine un peu, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Mercure et Uranus vous soufflent des idées originales pour sortir des sentiers battus au boulot. Alors, soyez unique, soyez vous. Côté relations, ce week-end, Vénus et Neptune nourrissent vos désirs. Célibataire, vous vous emballez. Soyez enthousiaste, mais pas candide non plus. Capricorne, Mars et Uranus vous encouragent à explorer des territoires inconnus. Sortez de votre routine, voire de votre zone de confort. Les expériences enrichissent, vous le savez. Côté relations, Vénus braque un projecteur sur votre sphère familiale. Alors, songez aux petites attentions, elles peuvent faire toute la différence. Et voilà, même en famille, surtout, on n'hésite pas à chérir ses proches quand on le peut. Des petits gestes, des petits mots, ça suffit. Verseau, les activités indépendantes sont favorisées cette semaine. Alors, si vous travaillez en collaboration, évitez de revenir sans cesse sur des petits points de litige. Côté relations, les astres s'alignent pour mettre sur votre route une rencontre de choix. Oui. Alors, célibataire, croyez en vous, une histoire épatante peut tout changer. Petits amis poissons, on va terminer cet horoscope avec vous. Alors, au travail, en séjour, c'est un peu comme courir un marathon, mais ne vous inquiétez pas et misez sur votre incroyable capacité à vous relever. Oui, relation Neptune, votre planète et Vénus à ses côtés, eh bien vous mettent dans tous vos états ce week-end. Laissez donc votre nature romanesque fleurir. Voilà, en somme, plutôt une bonne semaine, je pense, pour à peu près tout le monde. Pour ceux qui sont un petit peu, où il y a des petits points un petit peu fâcheux, eh bien on attend que ça passe et puis on regarde toujours le côté positif, le verre à moitié plein surtout. Voilà, on vise toujours l'étape d'après pour se faire un avenir radieux. Je vous propose eh bien, de tirer une petite carte. Voilà, on va innover. La petite carte du jour pour nous donner un petit peu de la tendance, c'est donc le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et on va voir eh bien, le tirage de cartes, ce qu'il nous dit pour cette semaine. Ça va nous donner une petite tendance, une petite inspiration. Hop ! De ma main innocente, vous aurez remarqué. Eh bien, la carte de cette semaine, c'est le courage. Et je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. Ça, c'est Gabi. Voilà, audacieuse Gabi. Donc, il faut savoir être audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivée au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi ne pas déclarer ta plus grande flamme ? Voilà, alors, chers amis, si vous souhaitez dire quelque chose à la bonne personne, à la personne qui remplit votre cœur, eh bien, peut-être est-ce le moment pour vous de le faire. Voilà. C'était pour le mot de la semaine. Le courage, l'audace, et dire aux gens bah, qu'on aime, qu'on les aime, même si c'est en amitié, par exemple, il ne faut pas hésiter. Voilà. J'espère que eh bien, cette semaine vous sera très douce, très belle, qu'elle vous apportera son lot de jolies surprises, surtout, et qu'elle vous épargnera voilà, des petits tracas. Un maximum en tous les cas. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Ciao.